table ronde, table ronde, table ronde, indépendance, on a décoré, table ronde, si je serai, indépendance, tous et tous, oui, table ronde, tous et ango, indépendance, l'ipanae, table ronde, me décoré, indépendance.